Conclusion générale en forme de palmarès. Maintenant que nous avons traité de toutes les œuvres de la nature, il convient d'établir une sorte de palmarès des productions elles-mêmes autant que des pays. Or, dans le monde entier, et sous la vaste étendue de la voûte céleste, il n'est pas de contrée plus belle, pour tout ce qui mérite le premier rang de la nature, que l'Italie, reine et seconde mère du monde. L'Italie, que recommandent ses hommes, ses femmes, ses généraux, ses soldats, ses esclaves, sa supériorité dans les arts, et les génies éclatants qu'elle a produits. Ajoutons sa situation, la salubrité et la douceur de son climat, l'accès facile qu'elle offre à toutes les nations, ses côtes riches en ports, les vents salutaires qui y soufflent. Avantage dû à une situation qui est intermédiaire entre le levant et le couchant, et la longe dans le sens le plus favorable. Ajoutons encore l'abondance de ses eaux, la salubrité de ses forêts, ses montagnes coupées de vallées, l'émergence inoffensive de ses animaux sauvages, la fertilité de son sol, la richesse de ses pâturages. Tout ce qui est indispensable à la vie ne se trouve nulle part en meilleure qualité. Céréales, vin, huile, toison, lin, étoffe, taureau. Même pour les chevaux de course, il n'en est pas que l'on préfère à ceux de l'Italie. Pour les mines d'or, d'argent, de cuivre, de fer, tant qu'il fut permis de les exploiter, elle ne le céda à aucun pays. Et maintenant, demeurant grosse de tout cela, elle prodigue pour tout trésor des liqueurs variées, des céréales et des fruits délicieux. Immédiatement après elle, si l'on accepte les régions fabuleuses de l'Inde, je suis disposé à placer l'Espagne, pour tout son littoral du moins. Elle est, il est vrai, stérile en partie, mais là où elle est productive, elle donne en abondance les céréales, l'huile, le vin, les chevaux, et les métaux de toutes sortes. Pour tout cela, la Gaule lui est égale, mais l'Espagne l'emporte par le sparte que produit ses déserts, par la pierre spéculaire, le mica, et aussi par ses teintures de luxe, par son ardeur au travail, par l'activité de ses esclaves, par l'endurance de son peuple et la violence de ses sentiments. Salut, ô nature, mère de toutes choses, et daigne m'être favorable à moi qui, seul entre tous les Romains, t'es célébré en toutes tes parties.